Retour à Killybegs de Sorge Chalandon avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation Pascal II. 9e épisode. Killybegs, décembre 2006. Se sachant condamné par ses frères d'armes, Tyrone Meehan, 81 ans, républicain irlandais, membre de l'IRA depuis son plus jeune âge, se réfugie dans la maison de son enfance pour y attendre la mort. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. 30 décembre 2006. Cet après-midi, lorsque je suis arrivé dans Castle Street, deux hommes ont détourné la tête. Et une femme a changé de trottoir. Devant la porte du Mullins, le patron attendait. C'était l'heure où je commençais à boire. Et il le savait. On ne veut pas d'ennui, Meehan. Quels ennuis? C'est dans le journal, à la télé. On est des gens simples, tu sais. Tout ça, c'est trop grave pour notre petite ville. Achète tes bières au magasin et bois chez toi, c'est mieux. La porte s'est ouverte. Un type est sorti. Il a remis sa casquette, salué le patron, m'a évité des yeux. Derrière lui, la salle était comble. La table de mon père n'était plus là, ni le porte-manteau. On avait déplacé le distributeur de cigarettes. Il occupait maintenant ma place. Paris, août 1981. Les Britanniques m'avaient donné une enveloppe. Dedans, 350 livres et un aller-retour pour Paris. Une avance pour payer mon premier voyage. Je devais retrouver Honoré à l'embarcadère des bateaux-mouches. Je ne l'avais vu qu'une fois, lors de mon premier séjour en France, avec Sheila et le faux couple de flics. C'était un pur anglais. Il m'a regardé comme on regarde un traître. Il ne m'a pas serré la main. Il est resté le temps d'une bière. Il n'a pas été plus cordial avec Walder, l'agent du MI5, ni avec Congreve, le flic. Il était jeune, 35 ans à peine. Il ne connaissait de Belfast que le survol de la ville en hélicoptère. Il m'observait. Il m'étudiait. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas l'IRA. C'est Sinn Féin. Votre parti. Pas votre armée. Je ne connais pas grand-chose à la politique. Tu sais qui pense quoi dans ton mouvement? Quel dirigeant est en perte de vitesse ou en train de prendre le pouvoir? Tu sais ça, Ténor? Parce que tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Et comme j'ai un peu de mal à venir à vos réunions... Messieurs. Au revoir. Au revoir. Je n'aimais pas Honoré. Le flic et le MI5 me rassuraient presque. Nous avions désormais une histoire commune. Ils savaient mes façons, je connaissais leurs manières. Il n'y avait pas de compréhension entre nous, mais pas de haine non plus. Honoré, lui, n'était pas de cette histoire. Pas même de cet ennemi-là. Il avait la pâleur du fonctionnaire d'ambassade. Il avait de l'encre sur les mains, pas du sang. Il m'appelait Ténor, un synonyme de traître. Un nom de code. Il allait sûrement me faire détester Paris. Thomas McElroy est mort le 8 août 1981, à 24 ans, après 62 jours de grève de la faim. Michael Devine est mort le 20 août 1981, à 27 ans, après 60 jours de grève de la faim. C'est alors que la famille d'un gréviste a demandé que cesse le martyre. Père, mère, au chevet de douleur, réchauffant de leurs mains les mains de leurs gisants. Leur fils était tombé dans le coma. Ils ont donné l'autorisation de le nourrir. Puis une autre mère a cédé. Et une autre. Et une autre. Et 8 mères encore, qui ont renoncé à perdre leur enfant. La grève de la faim a officiellement cessé le 3 octobre 1981 à 15h30. Quelques jours plus tard, les détenus ont eu l'autorisation de porter des vêtements civils, mais pas de se revendiquer prisonniers politiques. Margaret Thatcher n'a jamais cédé. J'ai découvert Honoré. Il était différent de Walder ou des flics roux. Eux restaient à Belfast avec leurs questions militaires. Quand ils me rencontraient, ils faisaient la guerre. Honoré, lui, n'était pas un soldat, plutôt un étudiant qui travaillait son cours. Et j'en étais le sujet. Nous nous rencontrions à la faculté de Jussieu, à Paris. Au beau jour, nous étions assis sur la dalle, en plein air. Je parlais, il notait. De loin, un professeur et son élève. Ce que prépare Lyra ne m'intéresse pas. C'est ce qu'elle pense que je veux savoir. Ce que pense Lyra ? Qui commande chez vous ? Les politiques ou les militaires ? Est-ce qu'il y a des dissensions à ce sujet ? Pourquoi, au dernier congrès du Sinn Féin, la foule a ovationné tel orateur et pratiquement déserté la salle quand tel autre est monté à la tribune ? Et quel incident sur la stratégie du mouvement ? Ce genre de choses, tu vois ? Tout cela me semblait bien anodin. Mais sa façon de noter me rappelait qui il était. Il écrivait en me regardant sans cesse. Jamais il ne baissait les yeux sur son carnet. De temps en temps, il hochait la tête, m'offrait un éclat de compréhension. Quand j'hésitais, il m'encourageait d'un froncement de sourcils. Deux amis qui conversent. Le plus âgé semblant captiver le plus jeune. Jamais de toute ma vie on ne m'avait écouté comme ça. C'est difficile à écrire, à dire, à comprendre. Mais j'ai pris peu à peu goût à cet échange. Mes mots ne tuaient personne. Ne faisaient souffrir personne. N'envoyaient personne en prison. « Je suis sûr que tu vas aimer Honoré », m'avait dit un jour Walder. Et maintenant, il lui arrivait même de m'amuser. Tu ne trouves pas que baptiser un parti Sinn Féin, c'est excluant pour les protestants ? Excluant ? S'appeler nous seuls, oui, c'est excluant. Nous-mêmes, Honoré. Le mot Sinn Féin veut dire nous-mêmes en gaélique. Nous nous libérerons par nous-mêmes. Maman. Pourquoi entends-tu ce que je viens de dire ? Quand j'entoure, c'est à vérifier. Tu entoures pas mal de choses. C'est vrai. La grande interrogation de l'agent britannique était notre position vis-à-vis d'un éventuel cessez-le-feu. Nos journaux, nos meetings, nos manifestations réclamaient une paix durable. Il voulait savoir si c'était un slogan destiné à l'extérieur ou une pensée qui nous animait. Je ne comprends pas. Comment pouvez-vous prôner des choses comme le fusil dans une main et le bulletin de vote dans l'autre ? Le mouvement républicain est prêt à parler de la paix, mais pour ça, il faut un signe fort de Londres. Sans ce signe, notre population elle-même nous interdirait de déposer les armes. Même depuis les grèves de la faim ? Je l'ai regardé bien en face. Jamais les contacts entre Lyra et Londres n'avaient cessé. Jamais. Même pendant l'agonie de Bobby Sands. Même après sa mort et celle de ses camarades, les deux camps avaient toujours trouvé le moyen de communiquer. Ils le savaient. Je le savais. Quel signe fort ? Un geste pour les prisonniers. Un geste. Ou un mot. Une phrase. Permettant à tous une sortie honorable. Trop tôt. Alors, le fusil dans une main et le bulletin de vote dans l'autre. Il a écrit, puis rayé cette phrase. Comme moi. Il savait qu'aucune victoire militaire ne serait remportée en Irlande du Nord. Lyra ne pourrait pas défaire la force britannique. Après avoir combattu les arrière-grands-parents, les parents et les fils, les Britanniques allaient devoir combattre nos enfants et les enfants de nos enfants. Il hochait la tête en me regardant. Il y avait quelque chose dans ses yeux. curiosité, intérêt, sympathie même. Mais pourquoi cette guerre ? Dieu nous a fait catholiques. Le fusil nous a fait égaux. Il a entouré la phrase à vérifier, juste pour me faire sourire. En 1991, après 10 années à se retrouver à Jussieu, Honoré et moi avons quitté la faculté pour les bus rouges importés d'Angleterre qui faisaient visiter Paris aux touristes. L'anglais s'amusait à faire référence au véhicule impérial de son pays. Demain 15h, Times Square. Entendu. Hiver comme été, nous montions à l'étage, en plein air, choisissant avec précaution nos voisins immédiats. Et nous les prenions asiatiques ou arabes. S'ils parlaient anglais entre eux, nous changions de place. Paris me donnait le courage d'affronter Belfast. Avec Honoré, je rayonnais. Avec Walder, je longeais les murs. Mon travail avec l'un m'autorisait à informer l'autre. Après tout, pourquoi ne pas instruire l'ennemi de notre politique ? Qu'avions-nous à cacher ? Rien. Sinn Féin passait son temps à réclamer un dialogue avec les Britanniques. Et là, à Paris, Honoré et moi avions entamé des pourparlers de paix. Pendant 10 ans, il avait été pour moi Margaret Thatcher, puis John Major, puis Tony Blair, et moi, j'avais été Lyra pour lui. Mais avant tout, j'étais Tyrone Meehan, combattant républicain. Je ne reniais rien, ne salissais rien. J'avais laissé le salaud du côté de Falls Road. À Paris, je ne trahissais pas, j'instruisais. Je faisais un travail utile, militant, fondamental, probablement historique. C'était vertigineux, au-delà de l'ivresse. Je me suis senti plus fort que tous et tout, plus grand que nos politiciens, que le conseil de l'armée républicaine, que Walder, que le flic roux. Tellement plus important qu'Honoré, ce gamin du Norfolk qui écrivait sous ma dictée. Jamais je n'avais ressenti ce pouvoir. Jamais de ma vie je n'avais eu une telle force. Je n'obéissais à personne. Je faisais l'histoire de mon pays. J'étais tellement, mais tellement plus utile à la paix qu'un coup de feu ridicule tiré d'un toit sur une patrouille de nuit. Il y avait du respect dans le regard d'Honoré. Il buvait chacune de mes phrases. Il entourait encore quelques informations à vérifier, mais de moins en moins souvent. Je fascinais l'ennemi, et il me respectait. Il ne me maîtrisait plus. C'était moi qui le tenais. À l'après-midi de juin 1994, alors que notre bus était stationné au Trocadéro, j'ai changé le respect d'Honoré en admiration. Lyra a décidé la cessation des hostilités. Tu es sûr, Tyrone ? Oui, je le sais. Avant la fin de l'année. Cet été, peut-être. Une trêve ? Non. La cessation totale des hostilités. Pour la première fois, Honoré a quitté mes yeux du regard. Il écrivait. Sa main tremblait. C'était comme s'il ne voulait pas laisser s'échapper cette formule. Cessation totale des hostilités. Il a relu cette phrase, l'a contemplée et ne l'a pas entourée. Les Britanniques négocieraient avec l'IRA. Les protestants seraient obligés de nous accepter dans les travées du pouvoir, puis à la table des décisions. Et voilà qu'un jour, l'Irlande se réunirait à nouveau. Voilà que la frontière serait piétinée par des milliers d'enfants rieurs. Voilà nos femmes, nos hommes, nos filles et nos soldats courant à travers champs vers nos frères de la République. Voilà leurs étreintes, leurs embrassades, leurs cris de joie, enfin. Voilà le vent qui se lève et le soleil dans nos drapeaux. Nous voilà soudain à genoux, des villes aux villages, des ruelles de Belfast aux avenues de Dublin, des collines du Wicklow au port de Killybegs, priant pour nos martyrs et remerciant le ciel. Et nos frères protestants qui acceptent de nos mains tendues. et la guerre plus jamais, et la paix pour toujours. Et moi, dans un coin d'ombre, pas même en uniforme, sans médaille, sans amis, sans hourra. Moi, debout, au milieu de mon peuple. Inconnu, anonyme. Moi, qui aurais fait cela. Tout cela. Qui pourrait enfin demander pardon à Danny Fenley. Et pardon à mes rêves. Belfast, 19 janvier 2000. J'ai rêvé de ce jour. Pendant 58 ans, je n'avais jamais cessé d'y croire. Pendu le 2 septembre 1942, à 19 ans, enseveli comme un chien dans une fosse commune à l'intérieur de la prison de Crumlin. Le corps de Tom Williams nous a été rendu le 19 janvier 2000. Sa famille et ses derniers frères d'armes étaient présents lorsqu'il a été déterré. Des compagnons m'ont demandé d'être là, je n'ai pas pu. J'avais bu la veille, toute la nuit. Au matin, j'étais ivre. Sheila m'a habillé pour la cérémonie. Ce jour-là, lorsque je suis entré dans la chapelle Saint-Paul à Clarendon, je n'étais rien d'autre que le gamin à qui Tom avait confié sa balle de cuir. Je l'avais dans la poche en entrant dans le chœur. Je titubais d'alcool. Ils étaient là tous, assis au premier rang. Nell, sa fiancée pour toujours. John, condamné à mort avec lui, puis gracié. Billy, Eddie, Madge, Joe, les membres de son unité. Joe m'a fait un geste cannelevé. Il a demandé aux autres de se pousser un peu. J'ai refusé du sourire et de la main. Puis j'ai fait le geste de l'homme qui boit, main ouverte sur une pinte invisible tremblant devant mes lèvres. Je me suis assis en bord d'allée, pas derrière, mais presque, à la place de n'importe qui. Celui qui était perdu a été retrouvé. C'est ici, dans cette même église, que Tom a été baptisé. Tom est revenu à la maison, et nous l'accueillons dans la joie. Je regardais son cercueil. Le drapeau tricolore avait été cloué sur le bois blanc. Je baissais la tête, fermais les yeux, les rouvrais avant de basculer. Je sentais les regards gênés, la compassion, la fraternité écœurante qui m'entourait. Lorsque le cercueil est sorti, j'ai pleuré. Une larme sèche de vieil homme. La foule était si dense qu'elle me faisait peur. Je m'y mets. Je feignais l'allégresse, mon visage fermé au milieu du bonheur. Lyra avait déposé les armes. Le processus de paix avait pris plusieurs années et nos prisonniers politiques avaient été libérés, tous. Certains étaient entrés dans les conseils municipaux, les administrations, les ministères. Mais souris, Tyrone, bon Dieu! Regarde le cercueil de Tom porté à dos d'homme au milieu de la ville. Combien de fois t'es-tu réveillé en bénissant ce rêve? Quoi, la méfiance? Mais bien sûr, elle subsiste, la méfiance. Tout le monde le sait, Tyrone. La peur entre les deux communautés, oui, évidemment. Le difficile travail de deuil, la colère, la haine même. Et aussi ce sentiment d'impunité qui blesse les familles des victimes. Mais quand même, et malgré tout, le rêve de ton père, de Tom, de Danny, la paix, Tyrone, c'est ce que tu es en train de vivre. Bientôt, Walder retournera en Angleterre. Le flic Roux fera la circulation au carrefour. Honoré enseignera l'histoire d'Irlande. Et tout sera éteint. Regarde autour de toi, Tyrone Meehan. On t'acclame des yeux. Personne ne sait. Personne ne se doute. Tu vas t'en tirer, mon vieux camarade. Cela fait des mois que tu ne donnes plus rien à l'ennemi. Et puis d'ailleurs, quoi leur offrir? Plus besoin d'un cimetière secret, d'un bus à impérial. La guerre n'est plus d'actualité, Tyron. La dernière fois que tu les as rencontrés, Walder t'écoutait par habitude. Et Honoré regardait sa montre. Tu ne leur sers plus à rien, Tyron. Ça y est, c'est fait, c'est fini. Ils vont t'oublier. Tu vas les oublier. On m'a demandé de porter le cercueil. Les anciens l'avaient fait. Nos chefs s'étaient relayés. Allez à toi, Tyron Meehan. Prends la tête des porteurs. Allez, Ténor. Fais sourire tes amis anglais. Une photo demain dans le journal. L'assassin de Danny encombré de Tom. Deux jeunes hommes m'ont aidé à caler le fardeau sur mon épaule droite. Je titubais un peu. Ils se sont regardés sans un mot. Nous avons avancé à pas lents sous la charge. Je sentais le sweat de Tom à travers ma poche de pantalon. Je contemplais le ciel d'hiver. J'avais mal. Je ne me souvenais pas du poids de la douleur. Je regardais la foule sur les trottoirs qui nous faisait honneur. Nous n'étions pas un pays, pas même une ville, juste une famille intense. Je répondais aux clins d'œil, aux gestes, aux hochements de tête. Je prétendais rendre à tous la fierté qu'ils m'offraient. Je jouais. Je trichais. Je mentais. Je n'avais plus de dignité pour leur répondre. J'avais attendu ce jour pendant 58 ans et il achevait de faire de moi un autre. Même si tous m'oubliaient, je ne m'oublierais pas. Après ces heures, il n'y aurait plus rien. Je ne marchais pas avec mon peuple. Je le quittais. Je n'étais plus d'ici, plus des leurs, plus rien de nous. Lorsqu'on m'a demandé si je voulais laisser ma place, j'ai violemment refusé. J'ai repoussé le porteur suivant d'un coup de pied en crachant par terre. Tom Williams est à moi. Il a installé mon matelas brûlé dans notre nouvelle maison de Dalper Lane en janvier 1942. Il m'a tendu la main en me demandant de l'appeler par son prénom. J'ai surveillé nos rues pour lui. Pour lui, j'ai appris l'histoire de mon pays. J'ai boxé sur le ring de King Street. J'ai mis le feu à l'ennemi. C'est lui qui a placé la première cartouche au creux de ma main. C'est avec lui que je me suis battu. C'est pour lui que j'ai été battu. Que j'ai quitté l'uniforme coloré du FINA pour l'habit sanglant du soldat. Alors laissez-moi en paix. Laissez-moi le porter encore un peu, quelques mètres, laissez-moi. Dans ce cercueil, il n'y a pas que Tom. Personne ne sait ça, hein. Un soir, je me suis couché scout en culotte courte, et le lendemain au matin, j'étais ce vieillard. Et entre les deux, presque rien. Une poignée d'heures. Des odeurs de poudre, de merde, de tourbe, de brouillard, alors écartez-vous. J'emmenais Tom. Je portais mon chef sur mon dos. Mon ami, mon frère, je le ramenais chez lui. J'allais ouvrir son lit de terre et y jeter mon enfance. C'était Retour à Killybegs de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet, Aurélia Petit, Jean-Luc Porraz, Éric Herson-Macarel, Mathieu Bisson, Dominique Parent. Merci au capitaine Bassot et au personnel du camp de gendarmerie de Benne. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Retour à Killybegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions. of an reinor nogoi chanskeilam smogo feinlio ta banam barlium no kais kediv nogvaim gejo star kailin speru Agfargan verla duvgrana crom Taban adjero the shulim lay Govaigan artor Staban alena is far amain no Na tan chabo le ban of weram Balyan vir is clar hero Snevekum layar Mogal are fain Askarna